إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل ناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. D'après أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه، le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah et Alhamdulillah remplissent ou remplit ce qui est entre le ciel et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve. La patience est une clarté. Et le Coran est une preuve pour ou contre toi. Tout homme sort le matin pour faire commerce de son âme. Il l'affranchit alors ou la fait périr, rapporté par Muslim. Ceci est donc le 23e hadith que nous allons étudier dans cet ouvrage. Et comme vous le voyez, il est composé de plusieurs phrases et chacune d'entre elles nous indique des œuvres de bien et comprend de nombreux bénéfices qui ne peuvent pas tous être évoqués en une seule assise. Mais nous allons essayer, incha'Allah ta'ala, d'aborder les plus importants parmi ces bénéfices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc commencé par dire « La purification est la moitié de la foi ». Donc tout d'abord, il faut savoir que la purification, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est la purification physique, qui désigne la levée de l'état d'impureté, al-hadath, par les ablutions, ou le ghusl, le grand lavage, et le nettoyage de l'impureté, al-khabath, sur le corps, les vêtements ou le lieu. Et cette purification-là, c'est la clé de la prière et c'est la plus exigée de ces conditions. Donc le sens de la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière. Car la prière est appelée foi dans le Coran et elle ne peut être réalisée sans la purification. Et ceci est un des sens du hadith mentionné par les gens de science. La deuxième catégorie, c'est la purification morale. C'est-à-dire le fait que tu purifies ton cœur de toute forme de polythéisme, ainsi que des péchés et de tout ce qui pourrait souiller ton cœur. Et cette purification-là, elle est plus importante que la purification du corps. Car la purification du corps, elle ne peut pas se concrétiser en présence de l'impureté du polythéisme, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 28 de Surat al-Tawbah, « Innama al-mushrikuna najas ». Les polythéistes ne sont qu'impureté. Ce sens-là, donc, il est plus général. Mais il apparaît que le hadith, il englobe ces deux types de purification. Aussi bien la purification physique que la purification morale. Donc celui qui se purifie physiquement, comme cela est ordonné religieusement, et qui se purifie moralement, en s'écartant du polythéisme et des péchés, il a alors obtenu la moitié de la foi. Il lui manque quoi après ? Il lui manque l'autre moitié, qui sont les œuvres. Car comme on l'a dit à plusieurs reprises, la foi elle est composée de paroles, d'actes et de croyances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite dit « Alhamdulillah remplit la balance ». C'est-à-dire que celui qui loue Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Alhamdulillah », alors par cette parole, il remplit sa balance. Et ce qui est visé par la balance ici, c'est celle par laquelle seront pesées les œuvres au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 47 de Surat al-Anbiya, ونضع الموازن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, même du poids d'un grain de moutarde. Nous le ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Subhanallah et Alhamdulillah remplissent ou remplissent ce qui est entre le ciel et la terre. » Donc dans ce hadith, lorsqu'on a « remplissent ou rempli », ceci est un doute du narrateur du hadith. Et ceci nous démontre clairement que les narrateurs, ils veillaient à être très précis dans la narration des hadiths, au point de mentionner ce simple doute qui ne change rien le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela une réfutation de tous ceux qui remettent en question la sunna et tous ceux qui remettent en question les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que ce ne serait pas une source sûre. Car comme on l'a mentionné dans d'autres cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est porté garant de la préservation de cette religion. Et ceci implique la préservation du Coran, mais aussi la préservation de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour le croyant d'avoir une foi complète en la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la mettre en pratique au même titre que le Coran. Donc concernant ces deux paroles, subhanallah et alhamdulillah, elles contiennent la négation et l'affirmation. La négation, elle se trouve dans la parole subhanallah. Lorsque tu dis subhanallah, en réalité tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et sa majesté. Et ceci englobe trois choses. Premièrement, les attributs d'imperfection, comme la mort ou le sommeil par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de cela et il ne peut se caractériser par aucun attribut d'imperfection. Deuxièmement, tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de la défaillance dans sa perfection. C'est-à-dire que les attributs de perfection par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise, ce sont des attributs parfaits et ils ne sont touchés par aucun défaut ni aucun manquement. Troisièmement, tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute ressemblance ou toute similitude avec ses créatures subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 11 de sourate Ash-Shura, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Quant à l'affirmation, elle se trouve dans la parole alhamdulillah, car la louange, elle est liée aux attributs de perfection et c'est le fait de décrire celui que l'on loue par la perfection, tout en l'aimant et le vénérant. Donc lorsque tu dis subhanallah ou alhamdulillah, tu fais cette négation et cette affirmation. La négation de toute imperfection, d'après les trois points que l'on a mentionnés, et l'affirmation de la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux paroles, subhanallah ou alhamdulillah, elles remplissent ce qui est entre le ciel et la terre. C'est-à-dire tout l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre, et pas seulement à l'endroit où tu te trouves, mais tout l'espace qu'il y a en tout lieu, entre le ciel et la terre, ceci est donc quelque chose d'immense, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Donc tu dois prendre conscience de l'importance de ces paroles. Répéter régulièrement ces paroles, avec véracité et sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin d'en obtenir cette récompense immense. Ce sont des paroles simples à dire. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Légère sur la langue, mais très lourde dans la balance de tes bonnes œuvres. Inch'Allah ta'ala, tu dois donc veiller à les prononcer. Mais malheureusement, combien parmi nous en sont privés? Combien parmi nous néglige ces paroles au profit de paroles futiles qui ne nous sont d'aucun intérêt, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La prière est une lumière. » C'est-à-dire la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. C'est une lumière pour celui qui l'accomplit. C'est une lumière dans le cœur du croyant, mais aussi une lumière sur son visage. C'est pour ça que tu vois ceux qui délaissent la prière ou ceux qui négligent la prière. Leurs visages sont sombres, Leurs visages sont obscurs et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceux qui sont assidus dans leur prière et ceux qui se lèvent la nuit pour prier, tu vois de la lumière sur leur visage. Et ça, c'est une chose apparente si tu y prêtes attention. La prière donc, c'est une lumière sur ton visage. Une lumière qui t'éclaire dans ta vie d'ici-bas et qui t'aide à t'écarter du blâmable et de la turpitude. Et ce sera aussi une lumière pour toi dans l'obscurité de ta tombe et une lumière dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 12 de Surat Al-Hadid, « يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ » Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Au jour de la résurrection, lorsque le soleil sera obscurci, que la lune s'éclipsera et que les gens se retrouveront dans l'obscurité et que le pont sera dressé au-dessus de l'enfer, alors tu verras ce jour-là les croyants et les croyantes avec leur lumière courant devant eux et à leur droite, chacun en fonction de leur foi, chacun en fonction de leurs œuvres, et ils recevront la bonne nouvelle du paradis. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. On leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Et ceci, mes frères, cela nous montre l'importance de corriger nos intentions et l'importance d'être sincères dans nos œuvres, tout en nous conformant à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car cette lumière, c'est qui va en profiter? Ce sont les croyants. Ce sont les croyants et les croyantes qui en bénéficieront, tandis que les hypocrites, ils seront plongés dans l'obscurité. Pourtant, ils étaient dans les rangs de prière avec les croyants. Ils se prosternaient avec les croyants. Ils s'inclinaient avec les croyants. Et ils priaient comme les croyants, mais ceux en apparence. Mais en réalité, il ne faisait pas cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, dans les versets suivants, selon la traduction des sens rapprochés, « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, car ils seront dans l'obscurité. Privés de toute lumière en ce jour, on leur dira, revenez en arrière, et chercher de la lumière. C'est-à-dire retourner œuvrer pour obtenir de la lumière. Retourner dans ce bas monde si vous le pouvez. Mais en réalité, il est trop tard. Ils ne peuvent pas revenir, car c'est impossible à ce moment de revenir sur terre et d'œuvrer. C'est pour cela qu'il faut s'empresser d'œuvrer ici-bas, avant ce jour-là, et qu'il ne soit trop tard. Ils crieront alors, n'étions-nous pas avec vous? C'est-à-dire que les hypocrites dans ce bas monde, ils disaient la ilaha illallah comme les croyants. Ils priaient comme les croyants et ils accomplissaient des œuvres bonnes en apparence comme les croyants. Mais ils ne le faisaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais par hypocrisie, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on lui demande de nous préserver de l'hypocrisie, majeure ou mineure, et de nous faire profiter des bienfaits de notre prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite dit, l'aumône est une preuve. L'aumône, sadaqa, c'est le fait de dépenser des biens en faveur du nécessiteux dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc ici qualifié l'aumône de preuve. Mais c'est une preuve de quoi? C'est une preuve de la véracité de la foi de celui qui donne l'aumône. Car comme vous le savez, l'argent et les biens de ce bas monde, ce sont des choses auxquelles les âmes sont attachées. De par nature, l'homme il est attiré par l'argent. Et il aime l'argent, il aime les biens de ce bas monde. Donc, lorsqu'il dépense de ses biens auxquels son cœur est attaché, il ne les dépense que pour une chose qui est encore plus aimée, qui est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié ici l'aumône de preuve. Elle prouve la véracité de la foi de celui qui donne l'aumône pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux hypocrites, qu'est-ce qu'ils font les hypocrites? Ils replient leurs mains d'avarice et ils ne donnent l'aumône qu'à contre-cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits au verset 54 de sourate At-Tawbah, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Et ils ne dépensent, c'est-à-dire de leur bien, qu'à contre-cœur. Ils ne dépensent pas de leur bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils les dépensent parce qu'ils sont contraints. Et ils les donnent à contre-cœur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, la patience est une clarté. Et la patience, c'est le fait de contrôler son âme et de la maîtriser dans ce qui nous incombe en termes d'endurance et de patience. Et la patience, elle est de trois sortes. Premièrement, la patience face aux interdits d'Allah. C'est-à-dire que tu contrôles ta personne face aux interdits afin de t'en écarter et afin de ne pas commettre ces interdits. Et ce, même si les causes, pour les accomplir, elles sont présentes et réunies. Car en réalité, c'est facile pour l'homme de délaisser l'interdit lorsque les causes sont absentes. Mais c'est lorsque tu fais face à l'interdit, lorsque tu fais face au haram, que tu vois si tu es réellement patient face aux interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme cela est arrivé à Youssouf, alayhi salam, lorsque la femme d'Al-Aziz s'est proposée à lui. Il a patienté, alayhi salam. Il a patienté face à l'interdit. Et il a même préféré être enfermé en prison plutôt que de tomber dans la perversion et le péché. Alors que rien ne l'empêchait de le commettre. Rien ne l'empêchait de commettre le péché, si ce n'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a certes informé que parmi les sept personnes qu'Allah couvrira de son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a un homme à qui une femme noble et belle s'est proposée et qui lui a répondu « Je crains Allah ». Ceci est donc la patience face aux interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de patience, c'est la patience dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu contraignes ta personne à persévérer dans l'obéissance à Allah. Comme un homme, par exemple, qui a envie de prier la nuit. Il a cette intention, puis son âme, elle le pousse à la paresse. Elle l'incite à aller se coucher, ou aller se distraire, ou encore à aller manger alors qu'il n'a pas faim, ou bien aller discuter avec ses amis. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse tout ça, tout ce à quoi son âme l'appelle, et il la contraint à quoi? À l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il se lève pour prier. Celui-ci donc, il a patienté dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième type de patience, c'est la patience face au décret d'Allah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète pour ses serviteurs des choses qui sont parfois douloureuses et difficiles à supporter. Comme par exemple la maladie, la perte d'un proche, la pauvreté ou autre chose par lesquelles l'homme, il peut être éprouvé dans ce bas monde. Tu dois donc faire preuve de patience face à cela et tu dois contrôler ton âme afin de ne pas te lamenter et ne pas te révolter contre le décret d'Allah. Donc lorsque tu es éprouvé, tu dois faire face à l'épreuve avec patience et endurance, en contrôlant ton cœur, en contrôlant ta langue et en contrôlant tes membres. Tu dois contrôler ton cœur afin de ne pas rejeter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois contrôler ta langue et la préserver des lamentations et ne pas prononcer des paroles interdites comme ceux qu'on entend dire par exemple lorsqu'ils sont éprouvés. Mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive cela? Ou alors il entend qu'une personne est morte et il dit « Il ne méritait pas ça. Il était jeune. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Ou autre parole semblable. Toutes ces paroles, c'est une forme de révolte et de rejet du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois ni les prononcer avec ta langue, ni avoir ces pensées dans ton cœur. Mais tu dois rejeter cela et patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, tu dois contrôler tes membres et t'écarter de ce que font ceux à la fois faibles lorsqu'ils sont éprouvés, comme le fait de se frapper le visage, de déchirer ses vêtements, de casser ce qu'il y a autour de soi, ou autre chose qui s'oppose à la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit que la patience est une clarté. La patience, selon ces trois catégories, c'est une clarté, c'est-à-dire une lumière qui vient t'éclairer. Car lorsque le croyant est patiente face à ses épreuves et qu'il patiente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y voit plus clair. Il chemine droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu regardes le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé ici, tu vois qu'il n'a pas employé le mot nour comme pour la prière. Mais le mot dhiya, donc on a traduit ici lumière et clarté. Et ce car la lumière de la patience, al-dhiya, elle est accompagnée de chaleur, comme la lumière du soleil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au verset 5 de Surat Yunus, هُوَ الَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, ضِيَاء, et de la lune une lumière, نُورًا. Donc on voit cette distinction en arabe, entre ضِيَاء et النُور. ضِيَاء, c'est une lumière qui est accompagnée de chaleur, comme la lumière du soleil. De même que la patience. Car la patience, elle est difficile pour l'homme. Elle est dure à supporter. Il souffre de la patience comme une personne souffre de la chaleur ou d'une brûlure. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé dhiya. Il a dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est une preuve pour ou contre toi. C'est-à-dire ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide pour les gens, exposé de la religion de droiture et discernement entre le vrai et le faux. Si tu le mets en pratique, ce sera une preuve pour toi au jour de la résurrection. Mais si tu le délaisses, que tu ne le mets pas en pratique, alors ce sera une preuve contre toi. Tu dois donc faire preuve de loyauté envers le Coran, comme on l'a vu dans le hadith de Tamim al-Dari radiyallahu ta'ala anhu, que parmi la nasiha obligatoire, la loyauté, il y a la loyauté envers le Coran, la nasiha envers le Coran. Et on a vu dans l'explication de ce hadith, ce que cela impliquait. Donc, celui qui souhaite se remémorer cela, il peut revenir à l'explication du 7e hadith. Donc, à titre d'exemple, lorsque tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ » Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Si tu accomplis la prière, alors ce verset, c'est une preuve pour toi, car tu l'as mis en pratique. Mais celui qui lit ce verset, puis qu'ensuite il délaisse la prière, ou il néglige la prière, alors ce verset ce sera une preuve contre lui. Et il en est de même pour l'ensemble des sciences religieuses. Il est indispensable que tu mettes en pratique la science que tu apprends, afin que cette science, elle ne soit pas une preuve contre toi, mais qu'elle soit une preuve pour toi au jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala avec tes œuvres. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut délaisser l'apprentissage. Je dis ça car il y en a qui réfléchissent à l'envers. Il se dit « Ah, plus j'apprends la science, si je ne la mets pas en pratique, ce sera une preuve contre moi. Donc je vais délaisser l'apprentissage de la science. » Wallahu musta'an. Celui-ci, il a réfléchi à l'envers. Au lieu que cela l'incite à faire des efforts dans la mise en pratique de la science, il a délaissé les œuvres et la science. Et son péché est encore plus grand. Car il s'est détourné de deux choses. Le premier, il a appris la science et il ne l'a pas mis en pratique. Donc c'est une preuve contre lui. Mais le deuxième qui fait cela, afin de ne pas apprendre pour ne pas avoir de preuve contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé les œuvres et il a délaissé la science. Donc sa situation, elle est encore plus grave. Donc il faut faire attention à cela. Lorsqu'on dit que la science, si tu ne la mets pas en pratique, c'est une preuve contre toi, c'est pour t'inciter à la mettre en pratique. Comme le faisait le salaf, rahimahumullahu ta'ala, comme il est rapporté par exemple de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'il n'a pas eu connaissance d'un hadith sans ne le mettre en pratique, ne serait-ce qu'une fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Tu lis par exemple un hadith sur une prière surérogatoire, Salat al-Duha. Tu n'avais pas connaissance de Salat al-Duha. Tu lis un hadith à ce sujet, la prière de la matinée, comme quoi elle est légiférée, en 2, 4, 6 ou 8 rak'a. Alors tu le mets en pratique, ne serait-ce qu'une fois. Afin que ce hadith soit une preuve pour toi, yawm al-qiyama. Tu lis le hadith concernant le jeûne du lundi et du jeudi. Tu jeûnes ne serait-ce qu'une fois, un lundi et un jeudi, afin que ce hadith ce soit une preuve pour toi au jour de la résurrection. Quant au fait que tu prennes connaissance de la science et que tu accumules les données sans les mettre en pratique, alors ceci ne te sera d'aucun profit au jour de la résurrection. Mais l'objectif de la science, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Comme l'ont dit les savants, la science est-elle un arbre et les œuvres en sont les fruits. Donc si tu apprends la science et que tu ne les mets pas en pratique, c'est comme un arbre sans fruits. Tu as délaissé la finalité. L'objectif de la science, c'est que tu la mettes en pratique pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il attire notre attention sur un point très important. Il dit, rahimahullah, nous faisons tous les ablutions lorsqu'on veut faire la prière. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait les ablutions que pour accomplir une condition de notre adoration. Et il n'y a pas de mal en cela. Lorsque tu fais tes ablutions pour cela, tu as atteint ton but, qui est d'accomplir cette condition de ton adoration. Il dit, rahimahullah, mais il y a une manière de faire qui est plus noble et plus complète. Il dit, premièrement, lorsque tu veux faire tes ablutions, prends conscience que tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit dans sa parole, dans le verset 6 de Surat al-Ma'ida, « Ya ayyuhalladina amanu, idha qumtum ila salah, farsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. » Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, si tu as en tête ce verset lorsque tu accomplis tes ablutions et que tu as en tête le fait que tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, alors tu as ainsi concrétisé, réalisé le sens de l'adoration. Deuxièmement, lorsque tu fais tes ablutions, tu dois prendre conscience que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, celui qui fait ses ablutions de la même manière que moi, puis prie deux unités de prière, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc si tu fais cela, tu auras atteint la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité en te soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi en te conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, tu dois espérer la récompense d'Allah pour ces ablutions. Car les ablutions, elles effacent les péchés. Les péchés que tu as commis avec ta main, ils s'effacent au passage de la dernière goutte d'eau après l'avoir lavé. Et il en est de même pour les autres membres que tu laves durant tes ablutions. Donc, ces trois grands nobles principes, la plupart du temps, ils nous échappent car on n'y prête pas attention. On doit donc se remémorer cela afin de concrétiser nos adorations et d'en obtenir pleinement les récompenses. Il dit, rahimahullah, de la même manière lorsque tu veux prier. Premièrement, tu penses à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit dans sa parole, « Wa aqimu s-salah » et accomplissez la prière. Deuxièmement, tu prends conscience que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Priez comme vous m'avez vu prier. » Comme cela est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Troisièmement, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette prière, c'est une expiation des péchés commis entre elle et celle qui la précède. Et ainsi de suite avec les autres prières. Donc si tu fais cela, pour l'ensemble des adorations, tu concrétiseras ainsi ce bien immense en atteignant la sincérité, le suivi de la sunna et l'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ceci nous échappe souvent. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne perçoivent pas les résultats de la prière sur leur personne. On ne perçoit pas les résultats de la prière sur nous comme il se doit. On sait que la prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Inna salata tanha anil fahshahi wal munkar. » Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais qui parmi les gens, après avoir prié, il se réforme et il voit que sa prière, elle l'a réellement préservé de la turpitude et du blâmable. Malheureusement, ces gens, ils sont peu nombreux. Et ce, car ces trois préceptes visés, ils ont été oubliés. Les gens, ils font les ablutions, ils prient, mais ils font cela de manière mécanique, sans réfléchir, sans prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils suivent en cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois avoir cela en tête afin de concrétiser ta prière et que ta prière, elle te préserve réellement de la turpitude et du blâmable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout homme sort le matin. Et ceci est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Car en général, les hommes, ils sortent de chez eux le matin, ou bien pour se rendre au travail, ou bien pour se rendre à d'autres activités qu'ils doivent accomplir. Il dit donc sallallahu alayhi wa sallam, Tout homme sort le matin pour faire commerce de son âme. C'est-à-dire que quand il sort, il va faire certaines œuvres qui sont comparables au commerce de son âme. Et ces commerçants, ils se divisent en deux groupes. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il l'affranchit alors ou l'a fait périr. Il affranchit son âme s'il œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 207 de Surat al-Baqarah, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ » Et il y a parmi les gens celui qui vend sa personne pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et il a dit au verset 111 de Surat al-Tawbah, « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ » Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc ceux-là, ils ont fait un commerce fructueux et ils ont affranchi leurs âmes du feu de l'enfer. Ils ont vendu leurs personnes en échange de quoi? En échange du paradis, et ce en œuvrant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. D'autres, ils ont conduit leurs personnes à leur perte en délaissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. En commettant ces interdits, ils ont donc perdu leur temps dans ce bas monde et ils ont causé leur perte de leurs propres mains. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc si tu médites sur ce hadith et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout homme sort le matin, tu comprends alors que toute personne, elle se lève le matin et elle va œuvrer. Soit elle œuvre dans le bien, soit elle œuvre dans le mal. Et chacun d'entre nous, il trouvera la rétribution en fonction de ses œuvres. Donc chacun d'entre nous, il doit se remettre en question afin de voir s'il souhaite affranchir sa personne ou la conduire à sa perte. Lorsque tu te lèves le matin et que tu commences à œuvrer, tu dois te remettre en question. Est-ce que je suis en train d'accomplir des œuvres de celui qui souhaite affranchir sa personne ou est-ce que je suis en train d'accomplir des œuvres de celui qui fait périr sa personne? Celui qui se lève le matin, œuvre dans l'obéissance à Allah, étudie la science, accomplit sa prière tout d'abord, accomplit des œuvres de bien, il n'y a pas de doute que celui-ci est sur le chemin du bien. Et bien, il affranchira sa personne. Quant à celui qui se lève le matin et qui commence par négliger sa prière, qui se plonge dans la paresse, les choses futiles, qui vend sa religion en échange de biens vils de ce bas monde, alors celui-ci est sur la voie de la perdition et il risque de faire périr sa personne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Voici donc, pour ce qui concerne l'explication de ce hadith, et on va maintenant brièvement énumérer quelques-uns de ses bénéfices. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on trouve dans ce hadith, il y a l'encouragement à la purification, que ce soit la purification physique ou la purification morale. Car celle-ci, comme on l'a vu dans le hadith, elle représente la moitié de la foi. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que la foi se divise et qu'elle n'est pas un seul bloc. Certaines choses font partie de la foi et concernent des actions, et certaines choses qui font partie de la foi concernent des délaissements, le fait d'accomplir les bonnes actions et le fait de délaisser les mauvaises actions. Tout ceci fait partie de la foi. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le mérite de prononcer les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci remplit la balance de tes bonnes œuvres. Une simple parole que tu prononces avec ta langue, en quelques secondes, elle vient remplir la balance de tes bonnes œuvres. Donc lorsque tu es assis, en train d'attendre quelque chose, lorsque tu conduis ta voiture, lorsque tu marches en direction de ton travail, en direction de la mosquée ou autre, profites-en pour mettre à profit ce temps dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne demande pas de grands efforts. Ce sont des paroles simples que même un nouveau débutant, il lui est facile pour lui d'apprendre. Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu prononces ces paroles sans cesse et ainsi tu remplis ta balance de bonnes œuvres avec des actes simples. Et on traitera de ce sujet plus en détail dans d'autres hadiths, Inch'Allahu Ta'ala. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la confirmation de la balance. Comme elle a été mentionnée dans le Coran à plusieurs reprises, comme on l'a vu dans le verset 47 de Surat Al-Anbiya, ainsi que dans Surat Al-Qari'a, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Quant à ceux dont les balances seront lourdes, alors ce sont eux qui réussiront. Ainsi que dans d'autres nombreux versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, la balance elle a été mentionnée dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans ce hadith, ainsi que dans d'autres hadiths, comme celui qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a deux paroles qui sont légères sur la langue et lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux qui sont « Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim ». Donc ce qu'il est important de retenir, c'est que la balance, elle est réelle. Elle sera présente au jour de la résurrection afin de peser nos œuvres. Ceux dont la balance sera lourde, alors ce sont eux qui réussiront. Et ceux dont les balances seront légères, ce sont eux qui seront les perdants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le mérite de réunir entre ces deux paroles qui sont « Subhanallah » Walhamdulillah. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ces deux paroles remplissent ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Et ce comme on l'a vu, car le fait de réunir entre ces paroles revient à réunir entre la négation des défauts et des imperfections et l'affirmation de la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que la prière est une lumière. Et ceci nous encourage à multiplier la prière. À être assidu tout d'abord à nos prières obligatoires, puis à les faire suivre de nombreuses prières surérogatoires. Cependant, certaines personnes pourraient dire « Je suis assidu dans mes prières obligatoires, je les fais suivre des rawatib, je prie la nuit, mais je ne ressens pas cette lumière. » Quelle est la réponse à cela? La réponse est de dire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vérité. Il n'y a pas de douce à ce sujet. Mais le fait que tu ne ressentes pas cette lumière dans ton cœur, cela est dû à une défaillance ou à un empêchement en ta propre personne. Et cela ne provient pas de la prière en elle-même. Par exemple, celui qui prie, mais qui joint à sa prière de l'ostentation. Il y a en cela une défaillance, car il n'a pas été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de doute qu'après cette prière, il ne ressentira pas de lumière dans son cœur. De la même manière, celui qui prie, avec le cœur distrait, il est en train de penser à son commerce, en train de penser à ses enfants, en train de penser à ses problèmes ou à autre. Ceci l'empêche de perfectionner sa prière. Donc il ne va pas atteindre ce résultat. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de personnes qui prient et dont la situation ne change pas. Ils prient mais ils restent plongés dans les péchés. Ils prient mais ils ne délaissent pas le haram. Ils prient mais ils restent négligents vis-à-vis d'autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement « Inna salata tanha anil fahshahi wal munkar » Certes la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Est-ce que le problème, il provient de la prière? Non, il n'y a aucun doute. Le problème et la défaillance, ils proviennent de nos propres personnes. Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. La parole du messager sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Mais c'est à nous de soigner nos propres personnes, de remédier à cela et d'accomplir la prière comme il se doit, de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné et de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant de toute forme d'ostentation et de toute autre maladie du cœur, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en l'accomplissant de manière sereine, plein de quiétude, en étant concentré dans nos prières et en s'éloignant de la distraction et autres, et ainsi, incha'Allah ta'ala, notre prière nous éloignera de la turpitude et du blâmable. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith un encouragement à multiplier l'aumône. Et ce, car ces aumônes que tu fais et que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont une preuve de la véracité de sa foi. Et plus ta foi sera forte, plus tu dépenseras de tes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, on a comme exemple de cela l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux meilleurs d'entre eux qui sont Omar et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma. Et vous connaissez tous l'histoire. Lorsque Omar radiyallahu ta'ala anhu a voulu dépasser Abu Bakr en termes de bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait encouragé les compagnons à dépenser de leurs biens. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il s'est dit « Aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. » Et il est venu avec la moitié de ses biens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'as-tu laissé à ta famille et à Omar ?» Il a alors dit « Je leur ai laissé l'équivalent de cela. » C'est alors qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il est arrivé avec l'ensemble de ses biens. Il n'a rien laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit: qu'as-tu laissé à ta famille, à Abu Bakr? Il lui a répondu, radiallahu ta'ala anhu: je leur ai laissé Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre la véracité de leur foi. Ils dépensaient l'ensemble de ses biens pour Allah, subhanahu wa ta'ala, car leur cœur n'était pas attaché à ce bas monde. Aujourd'hui, l'un d'entre nous, pour donner ne serait-ce que 10 euros en aumône, il se peut qu'il réfléchisse à 100 fois. Est-ce que je vais les donner? Mais peut-être j'avais besoin de m'acheter ceci ou cela. Il va hésiter pendant 15 minutes peut-être avant de les donner. Alors que c'est par exemple pour la mosquée. Ou pour une personne nécessiteuse qui n'a rien à manger. Mais il réfléchit. Il hésite à les donner. Et ceci montre quoi? Ceci montre la faiblesse de nos foies. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos foies et de nous aider à multiplier les bonnes œuvres afin de nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que dépenser une chose que tu aimes indique la véracité de ta foi. En effet, comme on l'a dit, celui qui donne de ses biens en argent, alors que son cœur y est attaché, alors ceci indique qu'il est véridique, incha'Allah ta'ala. Et les meilleures des aumônes, ce sont celles que tu fais avec les meilleurs de tes biens. Non pas comme le font certaines personnes, qui ne donnent en aumône que ce qui ne leur sert plus à rien. Il a un vieux vêtement qu'il ne met plus, il le donne en aumône. Il a un reste de nourriture qui ne lui donne plus envie, il le donne en aumône. Celui-ci, en réalité, ce n'est pas une aumône qu'il fait. Il se débarrasse de ces choses-là. Mais le réel croyant, celui qui est véridique, c'est celui qui donne ce qu'il aime. Ce à quoi son cœur est attaché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la bonté jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Neuvièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'encouragement à la patience. La patience qui est, comme on l'a dit, une clarté, c'est-à-dire une lumière accompagnée d'une chaleur, car elle est difficile pour la personne. Il est parfois difficile de patienter face à l'interdit. Il est parfois difficile de patienter dans l'obéissance à Allah. Et il est parfois difficile de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit se rappeler que la patience est une clarté et qu'on en obtiendra la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sans compter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les patients, les endurants, obtiendront leur récompense sans compter. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que celui qui a mémorisé le Coran, soit celui-ci sera une preuve pour lui, soit celui-ci sera une preuve contre lui. Et il n'y a pas de troisième situation. Soit il l'a mis en pratique, alors le Coran sera une preuve pour lui. Soit il a délaissé sa mise en pratique, alors il sera parmi les perdants et le Coran sera une preuve contre lui. Et il n'y a pas d'autre situation possible. Donc tu dois constamment te remettre en question. Est-ce que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris du Coran? Est-ce que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris dans le cours ou dans la conférence ou autre, ou le livre que j'ai lu? Est-ce que j'ai mis en pratique la science que j'ai appris, afin que celle-ci soit une preuve pour moi devant Allah au jour de la résurrection? Ou alors est-ce que j'ai appris, j'ai pris connaissance, j'ai lu et j'ai écouté, puis j'ai délaissé la mise en pratique et je suis retourné à courir derrière ce bas monde ou à d'autres futilités sans mettre en pratique la science que j'ai appris? Donc la personne, elle doit sans cesse se remettre en question afin que cette science soit une preuve pour nous au jour de la résurrection et non pas contre nous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette science une preuve pour nous et non pas contre nous. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'immensité du noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas révélé sans but. Mais ce Coran, il est soit une preuve pour la personne, soit une preuve contre lui, comme on l'a vu, selon sa mise en pratique. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'exposé de la situation des gens. Et que chaque personne se lève le matin et accomplit certaines œuvres. Et c'est comme s'il commerçait sa propre âme. Certaines personnes, ils vendent leur âme par les œuvres pieuses et les affranchissent alors du feu de l'enfer. Et d'autres personnes vendent leur âme par des mauvaises œuvres et ils les font alors courir à leur perte. Enfin, treizièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la vraie liberté, c'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas croire que la liberté, c'est de laisser ton âme accomplir tout ce qu'elle souhaite. Car si tu fais cela, en réalité, tu n'es pas libre, mais tu t'es asservi au diable. Tu t'es asservi au diable ou tu t'es asservi à tes passions. Mais l'homme libre, c'est celui qui se détache